On est en 2009 et les années ont passé. Je me rappelle ces moments, on se mettait à rapper. Des 15 balais, on venait tâter le son. Poser nos flots sur le beat et on croyait qu'on était bon. Calé dans la piole, Mathieu tâtait le refrain avec sa coupe à la Sean Paul en mode africain. LRM lisait ses flots juste avant de caler son show. En français ou en anglais, sur Nas t'envoyait le paquet. C'était la bonne époque en mode baggy et casquette. Ça traînait dans la ZUP à la recherche de minettes. Mais un beau jour, on apprend qu'un est parti, qu'il a disparu ou qu'il a perdu la vie. Tu prends une balle, tu sais que ton pote n'est plus là. Il a pété un cap, c'est qu'il a stoppé sa vie nette. Je rends un hommage à Mathieu Zamblébi. Le 20-04-05, tu es parti. LRM dit la rime meurtrière avec un flow de bâtard. Ce type faisait danser les verts. Un an et demi maintenant que tu nous as quittés. Est-ce que tu te rappelais de l'époque du MFT? Jusqu'à aujourd'hui, tu nous as lâché un engagé. Un scud de ouf, 14 morceaux bien stylés. Chez nous, tu sais, à l'unanimité. Ça pète et ça déchire. Tu représentes, ça fait plaisir. Sa dédicace est pour Chatou et le Bel Air. Mat pour Marey et moitié S pour MLR. Chacun sa vie, chacun son quartier. Mais tous unis car les Yvelines sont engagées. Sont engagées, sont engagées, sont engagées, sont engagées, sont engagées. Sont engagées, sont engagées, sont engagées. Je reste dans le conscient, pas oublier les vrais. Car sans vous là, je ne serais pas en train de poser. Imposer le style de la MIFA en mode black, blanc, beurre. On fait du vrai peura et ça vient du cœur. C'est un hommage au crew de l'époque. Aux hommes aussi, car vous étiez durs comme le rock. Et même peu connu, la musique est en grève. Mais je vous jure les gars, de prendre la relève. Prendre la relève, prendre la relève. Mathieu Zamblébi, la rime meurtrière. Les Yvelines sont engagées, sont engagées. Tu es méfié. Prends de la relève, prends de la relève. François l'Aquitaine et Mathieu Zamblébi, c'est un hommage. Ok. Les Yvelines sont engagées, sont engagées. 2009. Ok.